l'avez sans doute compris, sur Antenne 87, aujourd'hui, un spécial musique du monde. Je crois qu'on a compris, ouais. Ouais, je crois que le message est passé, bien sûr. C'est bien clair. C'est très bien clair, comme Julien. Ah, elle était bien mauvaise. Ah oui. Elle est mauvaise. Pour bien commencer ce dimanche. Elle est mauvaise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné donc, pour ce spécial Musique du Monde. J'ai Malvin avec moi. Bonjour Malvin. Bonjour Loïc. Toujours un plaisir. J'ai Alex. Bonjour les garçons. Bonjour à tous. Fervente passionnée de cette émission Musique du Monde. Ah oui, j'adore. Moi, je veux être là à chaque édition. Voilà, bah, Et en plus, tu m'as mis ma super intro. Je te remercie. Mais je veux. Oui, je sais, je sais. Je caresse l'espoir. Le roi dit nous voulons. Je caresse l'espoir d'obtenir. Et j'ai Vavin aussi qui est avec nous. J'arrive, bonjour à tous. Voilà, Pépère, il vient d'arriver, c'est normal. C'est dimanche, c'est tranquille. On est tranquille. Vavin, on dirait que t'as un porte-flingue en fait. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Dis donc, c'est déjà le deuxième, c'est déjà Loïc qui m'a dit ça la semaine dernière. Ouais, on dirait qu'il a un holster de poitrine, le mec. C'est vrai, hein, il a un trick. C'est très très impressionnant. Oui, il fait peur. Il est armé. Alors aujourd'hui, on vous a concocté une belle programmation avec tout le trio infernal. On aura un petit peu tout. On ira en Kabylie, on ira en Turquie, on fera un petit tour en Grèce. En Grèce, effectivement. On ira aussi du côté de l'Israël avec un beau tube de 78. On ira aussi dans les pays nordiques avec de beaux tubes qu'on vous a découverts, qu'on a concoctés. Et bien sûr, un petit peu d'Allemagne. Moi, j'ai demandé un peu de Brésil. T'as demandé un peu de Brésil, exactement. Moi, je viendrai avec la Belgique et la Hollande. Voilà. Et on finira peut-être avec l'Italie. L'Italie. Oui, c'est la petite touche d'Alex. C'est ça. Loredana Bertè, ça vous dit rien? Non, vous connaissez pas. Mais il n'y aura pas qu'elle. Non. Il y aura des surprises. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Et là, nous allons commencer avec un morceau du chanteur qu'on vous a fait découvrir il y a quelques mois. Chanteur que tu adores aussi maintenant. Je suis totalement fan. Alors c'est qui? C'est Idir. Voilà. Avec la chanson qui s'appelle Izefra. Donc c'est une figure emblématique de la chanson kabyle, Izefra, qui est interprétée ici en live au théâtre des Hauts-de-Seine. C'est une pièce qui porte la voix d'un patrimoine ancestral. Donc là, on sera déjà en 76, bercé par les mélodies du Djurdjura. Idir a joué un rôle majeur dans l'ouverture de la musique berbère au public mondial, mêlant tradition et poésie, faisant de la musique kabyle une expression universelle de sensibilité et d'émotion. Son répertoire, empreint de nostalgie et de sagesse, reflète l'âme de la culture amazigh, qui veut dire, que je dise pas berbère, tout simplement. Tant que ça revienne. Oui, rien à voir avec Bébert. Rien à voir avec Bébert. Pas le pauvre. Respect total. Voilà, c'était nul. On ne respecte rien dans cette émission. Non, c'était nul. Et Malvin, comment on fait pour les dédicaces? Eh bien, il suffit de se rendre sur notre site internet www.antenne87.fr. Vous allez dans dédicaces, tout simplement. Et puis vous nous laissez, vous nous envoyez une dédicace. Voilà, tout simplement. Et on se fera un plaisir. Le plus simplement du monde. Oui. On se fera un plaisir de la lire. Aujourd'hui, pas trop de musique. Pas trop de musique à la demande. Je pense que la programmation juste est déjà assez pleine. Juste des messages tout doux, tout gentils. La programmation est déjà assez pleine. Ah oui, elle est déjà pas mal. Oui. Et c'est que musique du monde. Alors, si vous avez une petite idée ou deux, ouais, on veut bien faire un petit écart. Mais voilà. Ça reste... Surtout, on les garde pour la prochaine fois. Exactement. Bah oui. Allez, comme promis, nous allons commencer avec Idir. Comme on vous a promis, avec Izefra, une chanson donc de 1976 qu'il a interprétée tout seul chez lui. À tout à l'heure. et Alex qui dansent. Idir avec Izefra. On était parti pour danser. Ça t'a plu? Ouais, moi. Ah oui, on était en route là. Je découvre. Hein. Il en a perdu ses cheveux. Bah, tu vois, c'est ce qu'il y a. C'est petit. Comme mes cheveux. Voilà. C'est ce qu'il y a régulièrement dans Musique du Monde. Voilà, donc Idir qui fait l'unanimité. Tu serais vraiment un peu éclectique, toi? J'en faisais quand j'étais jeune. Ça commence bien. Ça commence très bien, oui. Donc voilà, donc Idir, grand chanteur kabyle qui a su promouvoir la culture amazigh. C'est une belle découverte. Ouais. Ouais, franchement, joli. On est en plein cœur de Musique du Monde. Ouais. Ah là, oui. Là, oui. Franchement, c'est exotique. C'est 100%. Un peu niche quand même. Oui, parce bien que sûr. De nos jours, il est quand même plus aussi connu. Non. Et non, il est décédé. 87 s'attache à le remettre à l'honneur. Il est décédé pendant le Covid. Alors donc la fin de sa carrière n'a pas été très malheureusement pour lui, Covid, donc personne ne pouvait le voir, il n'y a pas eu de cérémonie, rien du tout. Donc effectivement, on peut tomber dans l'oubli. On l'honore maintenant. On l'honore aujourd'hui et pendant toutes les émissions et même maintenant dans la bande son régie, on le passe. C'est merci prêt. Jeff. Hein, il est où? Il est pas là. Aujourd'hui, repos. Il est en repos. Il se repose. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des... Non, on n'a pas la... Chabonix. Alors. Bon, la deuxième chanson. Alors, Alex, la deuxième chanson. Bien, je ne sais pas. Perdu. Suis perdu. Ça commence bien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire une émission? Voilà. Je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, on va parler des Los Enanitos Verdes. Alors, ça vous dit rien? Ah oui, ils viennent de Bolivie. Très bien. Tu viens de la réveiller. Rattrapé par le gong. Une chance sur deux, quoi. Allez, ah, ouais. Non, l'Amérique du Sud, c'est beaucoup plus grand que ça. Oui. Allons, on t'écoute, Alex. Ah, alors, c'est un classique du rock latino qui est devenu un hymne populaire à travers l'Amérique latine. Voilà. Lamento Boliviano, puisque c'est le morceau que tu as choisi. Tout à fait. Raconte sur une mélodie qu'on va sans doute trouver très entraînante, l'ambivalence entre fête et tristesse. Mmh. Un petit peu comme la vie finalement. Hein. C'est un titre qui traverse les frontières et les générations. C'est une chanson qui mêle le rock et l'émotion. Et c'est un incontournable de la scène hispanophone. Très bien, Alex. Tu vois, quand tu me suis un petit peu rattrapée. Hein. Ouh là là, j'ai eu chaud. Tu encore un petit peu, j'étais virée. Ah, ok, je suis virée. Ça faisait longtemps. Bon, tout va bien. De toute façon, tu es virée. Allez, comme promis, comme annoncé, Lamentos Boliviano. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación. Nadie hace daño. sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. C'était vraiment un morceau qui donnait envie de se promener. Très sympa, mais pas du tout bolivien. Hein. C'était pas très marqué Amérique du Sud, je trouve. Pas forcément. Hein. Au début, peut-être, il y avait les petites. Au tout début, mais après. Notes, mais sinon, oui, on est. Non, hein. Moi, je très me voyais. Universel. Je me voyais bien sur une route interminable. Voilà. C'est ça. Tranquille. Mais à pied. À pied. À pied. À pied. La balade, mais la vraie balade. La grosse balade, on ne sait pas où on va. Exactement. On sait pas quand on va arriver. Hein, dans quel état. Le long des bananeraies. Ah, il est en plus, là, on a les deux vieux ensemble. Là, les deux, ouais. Ils sont interdits d'un moment de séjour ensemble. Les deux gardés. Et moi, j'ai un peu peur. Hein. Ils sont très, très près de moi. Hein. Bah, d'ailleurs, on en profite. Bonjour, Dom. Bonjour. Bonjour, Dom. Et bonjour à tous. On fait un petit coucou. Et voilà, c'est Dominique. C'est grâce à lui que vous entendez la chronique près de chez vous hebdomadaire, que je salue régulièrement hein, en fin de chronique. Ben voilà, il est avec nous aujourd'hui. Il faut bien qu'il travaille un peu. Et les emplois le matin. Il fait beau, donc et les emplois. On sort un petit peu. Ah oui, oui, bah faut sortir un peu. Hein. Faut sortir. On enlève les toiles d'araignée. C'est ça. Ouais. On dépoussière un peu. Dépoussière un peu la moto et puis voilà. Mais pas que la moto. Oh, Alec, oh, le bonhomme aussi. Oh, c'est ça que donc. Tu veux dire. Quoi d'autre le bonhomme. Oh bah non, ça y est, le temps est écoulé. Hein. Laisse, il faut répondre tout de suite. Hein. Le bonhomme, c'est il est non. Trop tard, faut le dépoussiérer. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit coucou à notre Dom, voilà, qui est présent depuis déjà plus de 2 ans à la radio, qui s'arrache les cheveux qu'il a toujours, contrairement à d'autres. Ça suffit maintenant. Voilà. On se calme. On avait dit pas le physique. Hein. Oui, c'est vrai. Si on peut appeler ça physique. Oui, alors si tu veux qu'on aille sur ce terrain-là, ça va être très glissant, garçon. Ah bon? Oui. Des menaces. Pas les dents. Non, ouais. Tu fais 1m moins 20 avec les bras levés. Hein? C'est ça, moi je suis en déficit de taille. Oui, bon, soit. Allez, on fait un petit tour du côté des dédicaces. Oui, on en a reçu, ça y est, enfin. On n'avait rien jusque-là. Génial. Ça y est. On a une nouvelle auditrice. Ouais. On va lui souhaiter la bienvenue. Allez, 3, 4. Bienvenue. Voilà, c'est bien. Elle s'appelle Nathanaël, donc. Oui, ça fait flipper quand même. Elle nous envoie un petit message, donc un bonheur musical, cette radio. Mes proches m'ont conseillé cette émission également, alors je vais vous écouter avec plaisir. Donc, vous loupez pas, les gars, parce non, que vous êtes. On vous va êtes essayer écoutés. D'être un petit peu bon. Ils ont une bonne idée, leurs proches. Hein? Ses proches, pardon. Elle a des très bons proches. Oui. Ah oui. Voilà. Passionné elle FM. A des proches qu'on félicite. Passionné FM qui est toujours présent. Un petit bonjour dominical avec ma radio locale préférée. Je vous souhaite une belle journée. Comptez quelques auditeurs dans Lyon désormais. Chouette. L'expansion continue. Bon dimanche, mes amis. Oh, merci bien. Merci, passionné FM. Dominical, c'est quand Dominique il n'arrive pas à démarrer la moto, non? C'est oui, ça. C'est ouais, ça. C'est hein, ça. C'est... Ouais. Fallait que je le sorte. Ben, c'est pas mal, c'est pas mal. On part de loin. On continue avec Jean, encore un beau moment avec vous, ça fait plaisir à entendre. Je vous écoute tous les jours. Bien, merci beaucoup. Merci Jean. Et puis pour terminer, Claude. Super émission, j'adore les musiques des autres pays, c'est mélodieux aussi. C'est vrai, on a trouvé de très belles pépites et on s'éclate. La troisième chanson. Donc, Soda Stereo, En la Ciudad de la Furia. Oui, j'allais le dire. Continuons alors en Amérique latine avec Soda Stereo, l'un des groupes les plus influents du rock en espagnol. Alors, je ne vais pas retirer le titre parce qu'il est compliqué à lire. C'est en... Surtout à dire. Surtout en à la dire. Ciudad de la Furia. Merci Alex. Je t'en prie. C'est à peu près ça. Fille. Voilà. Fille. Si sauteuse. Ce qui veut dire dans la ville de la furie. Ah, tout de suite est mieux. Ah, c'est mieux. C'est une ode sonore à la vie urbaine, intense, mystérieuse, vivante, où les émotions se superposent comme les rues d'une métropole. Ça, c'est une immersion dans un paysage urbain sonore entre introspection et énergie. C'est de toute beauté. Ça donne envie. Hein, ça donne envie. De toute beauté. Ça donne envie. Alors, je vous propose d'écouter 5 minutes de bonheur. 5 ah, bah, on espère que c'est bien, hein, parce que 5 minutes, bah, oui, on n'est plus habitué. Hein. Pas de pitié, tu te calmes. On va voyager, c'est bien. On va voyager. Allez, à tout de suite. Thank you. Antenne 87, votre radio locale. Et oui, votre radio locale des Plaines de Champagne, 14h passées de 54 minutes. Vous êtes sur Antenne Dimanche spécial Musique du Monde numéro 3, en compagnie de toute la bande des Joyeux Lurons. Le Muppet Show à ma gauche, Baratina en face de moi, et puis... Le chevelu. Voilà, le très chevelu. Demis Roussos, en version française. Oh bah merci, super. J'avais oublié Baratina. Ah oui. Merci encore Wilfried, merci encore. Ça reste... du coup, en fait, du coup, moi je. Tu dis du coup aussi toi. Voilà. Mince, pas de chance. Aussi. Je commence à m'y mettre. Ouais, tu as raison. Ça te manque en fait, c'est ça. Oui, oui, ça me manque beaucoup. Ouais. Alors aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des pépites. Mais on a aussi un groupe très connu. Santana. Oui. Santana, c'est le groupe de Carlos Santana. Oui. C'est super bien trouvé. Oui. Hein, comme ça, au moins, on sait à peu près où on est. Oui. Oui, Carlos Santana, c'est ce guitariste, chanteur, compositeur, mexicano-américain qu'on adore, qui a une très très longue carrière derrière lui. C'est un peu le maître de la fusion entre le rock et les rythmes latins, non ? On peut dire ça ? Oui, oui, c'est vrai. Et là, on va écouter Aquamarine. Alors, Aquamarine, c'est une pièce instrumentale où la guitare de notre Santana international chante, respire et emmène l'auditeur vers un espace musical fluide et méditatif. Ah, oh, c'est bien. Quoi de mieux pour un dimanche après-midi ? Ah oui, oui. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est très profond. On est sur une transition vers des sons beaucoup plus contemplatifs et même un peu spirituels. Ouais, ouais. Pour l'avoir écoutée, c'est vrai qu'elle est assez... Enfin, elle n'est pas entraînante au sens musical, mais... Tu te poses, t'écoutes ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, on est parti pour un quart d'heure. Non. Toi aussi, tu as cru. Hein. Attends, mais. Moi, ceci dit, moi, du Santana, tu peux m'en mettre tout l'après-midi. Hein, je sais. Il a profité totalement partant. C'est quoi la chute dans ton fauteuil après? Tu vas mieux ou tu te tires une balle? Ah non, tu vas beaucoup mieux. Ah non. Non, mais c'est bien. On met de la spiritualité et voilà. C'est ça. Voilà comment on te flingue le truc. Ah, c'est bavin. Hein? C'est Vinvin, il faut bien ça, flingue à tout. L'esprit et moi, c'est toute une... Bah, chez Vinvin, le spiritueux, c'est pas ça. Non, c'est pas le même. C'est la preuve, le vin, hein. Peut-être. Vinvin. Mais... La preuve, Vinvin. Pour un mec qu'on boit pas, c'est fort. Ouais. C'est vrai. Bon, allez, on se le fait, ce petit Santana, là. Parce bien que sûr. Hein. Partir. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. après ce beau moment musical avec Santana, on fait une petite coupure et on va retrouver tout de suite Tom Kazak avec les pronostics hippiques pour la grande course. Tom Kazak, le quintet. Bonjour, bonjour à tous. C'est la revanche du Prix d'Amérique, le Prix de France et Queen qui sera le théâtre du Quintet Plus de ce dimanche 8 février 2026. Il réunira seulement 13 trotteurs de classe internationale. L'allocation sera de 400 000 euros et le départ prévu vers 15h15. En tête de notre sélection, l'As, Francesco Zette. Il peut profiter de son numéro 1 à la corde pour partir vite et le faire de bout en bout. Il visera la victoire. Suivi du 5, Go On Board, qui ne sera pas disqualifié deux fois de suite, sa place est sur le podium. Le 4 épique chrono, c'est la sensation de l'année, il peut prendre une part active à l'arrivée. Le 8 exécutive K va une nouvelle fois donner le meilleur de lui-même dans un parcours. Et enfin le 3 Guisty Sauton, incontournable dans le lot du jour, il complétera notre sélection. Une sélection que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Tom Kazak, les pronostics hippiques avec mes dernières minutes. Donc notre choix aujourd'hui, premier l'As, Francesco Z. Second le 5, Go On Boy. Troisième le 4, Epic Chronos. Quatrième le 8, Exécutive K. Cinquième le 3, Igustis Auton. Le second choix le 6, le 9 et le 10. Et à vous la fortune. Et voilà, merci Tom pour cette intervention sur le tiercé quarté Quintet Plus de ce jour. Allez, on va passer du côté des dédicaces maintenant. On va voir ce que nos auditeurs pensent de nous et veulent penser de nous. Nous avons notre ami Jeff qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous envoie un petit message de soutien et qui fait une petite allusion, bien entendu, sur ma défaillance capillaire. Oh, il a osé. Oui, il a osé. Il oh, a le osé. Coquin. Si, avec celle-là, en défaillance. Je ferai lui, je ferai un petit peu attention quand même. Hein. Donc, ce cher Jeff me dit, nous dit, coucou l'équipe. Et moi, je ne dirai rien pour les cheveux, sinon on va dire que je suis de mèche. Bien, Jeff. Bien. La tata. Ah bon, bien vu le troubadour. Voilà, donc ça, c'était du Jeff. Ensuite, on a Joris. Petit bonjour à l'équipe du dimanche, toujours fidèle à vous depuis le début. Oh, merci, Joris. Merci bien. Oui. Et puis, Philippe, j'adore vos chansons et belle musique, c'est beau. Oh. Jeff, voilà. Voilà pour la petite blague. Ah ben ça, c'était pour Jeff. Ouais, ouais, ouais. C'était franchement, pour Jeff. Ça valait pas des applaudissements. Moi, D'ailleurs, c'était des petits applaudissements. Hein. C'était pas foufou. Hein. C'est ça. Ouais. Moi, je connais des chanteurs qui sont beaucoup plus applaudis que ça. Ah oui, c'est vrai. Et là, justement, nous allons partir dans les pays un peu plus frais, un peu plus froids, mais toujours aussi convivial. Vio. On t'écoute. Oui, c'est pour moi, du coup. Bah oui, du coup, en fait. Du coup, c'est toi, ouais. Eh bien. Il fait partie de la police du Becherel. Pour le convivio. Oui, j'ai sélectionné pour vous un groupe belge flamand qui s'est formé en 84. C'est le groupe Clouseau que j'écoutais souvent quand j'habitais en Belgique. Et ils ont eu un grand succès avec une chanson en 1989 qui s'appelle Anne. Mais ça s'écrit comme l'inspecteur Clouseau. Exactement, c'est très bien. Très belle transition car le nom du groupe vient du personnage l'inspecteur Clouseau. Oh dis donc. Exactement. C'est la connivence. Et bravo. Oui. Bravo. Même pas préparé messieurs dames. Non. Tiens. C'est la totale pro. Voilà, bien sûr. Donc bien un groupe belge flamand d'origine de Bruxelles, enfin la banlieue de Bruxelles. Donc c'est deux frangins et donc ils ont rencontré un grand succès avec Anne et qui a été le numéro 1 en Flandre en 1989. Allez voilà, on écoute Anne du groupe Clouseau. C'est parti. Als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren. S'morgens vroeg, ik breng het ontbijt naar de kamer. Het is nog donker en jij ligt nog van te slapen. Je ene been hangt uit het bed, je haren door elkaar. En ik geef je een zoen op je neusje, maar je wordt het niet gewaar. Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen. praten. Je kan het niet laten, dan toch moet je even gapen. Maar het is zondag, dus hoeven we vandaag nog niets te doen. We duiken terug de lakens en we vrijen tot de noen. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwen moeten blijven duren. Je vrijt je zachtjes tegen me aan, je hoopt je in mijn zij en dan. Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwen moeten blijven duren. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwen moeten blijven duren. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Alle die momenten zouden eeuwen moeten blijven. Alle. Et voilà. Comme d'habitude, je me suis fait avoir par la musique. Bah oui, mais parce qu'on échange. Je te rassure, on est deux. Oui. Parce que j'aurais. Hein, voilà. J'aurais dû te le dire. C'est fini. Et moi, j'ai rien fait parce que, comme je buvais vos paroles. Vous connaissez la sanction, mardi. J'étais totalement subjuguée. Ah oui, c'est vrai. Mardi, tu seras viré, bien évidemment. Et, ouais. Et je me virerai aussi. Voilà, c'était le groupe Clouseau avec le titre Anne de 1989. Très groupe sympa. Belge flamand. Oui, on a bien entendu, hein. C'était bien flamand. Ah oui. Il y en a pour tous les goûts comme Bien sûr, attends. J'adore cette langue, moi, c'est magnifique. C'est comme l'allemand. Oui. C'est aussi beau. C'est chantant. Ça dépend. Ça roule. Les gens, ils sont pas convaincus là-bas. Après, c'est vrai que regarde, un joli papillon en français, en allemand, eine schöne Schmetterling, c'est vrai que c'est bon. Hey, à la vitesse où tu le dis et la force qu'il dit avec l'allemand, il est mort le papillon. Il est mort. Eine schöne. On comprend mieux pourquoi ça vit pas longtemps, un papillon. Aïe. De toute façon, on est viré, on peut y aller. Exactement. Ouais. Oh, il en sont pas. Je pense qu'ils vont bientôt sauter sur les chaises. Bon, une fois qu'il vient, non, il s'éclate. La rédaction est en forme aujourd'hui. Hein. Écoute, faire Fontenoise est tellement morne quand je le traverse que. Bah, dis donc, vas-y, critique. Bah, dimanche, en même temps, c'est pas vivant. J'ai dû en croiser deux, moi, ici. Et encore, t'as croisé deux. Va au Chalon, tu croises. Mais c'est parce que les gens sont chez eux, ils écoutent Antenne 87. Ils sont en famille, exactement, et ils écoutent la radio. Bah, voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça. Hein. Allez, repartons dans la musique. 10 ans, mon vieux. C'est vrai que voué, c'est beaucoup plus chargé. Ah oui. Ah bah oui. Avoué. Ah, avouez donc, monsieur. Faut avouer, faut à moitié pardonner. Donc tu peux faire des erreurs dans ton village. Allez, bim. Ça c'est fait. Là, nous allons partir de Voué. Nous allons aller en Turquie. Ah bah j'aime bien Voué, moi. Chez Zoran. Voilà, tu es voué à la musique turque. Alors la chanson, ça sera de Özdemir Erdogan avec Gourbet, qui signifie littéralement être loin de chez soi. Donc cette un peu loin de Voué finalement. Un peu, oui. Cette chanson d'Özdemir Erdogan explore la nostalgie de l'éloignement, un thème universel partagé par des millions de personnes à travers le monde. Alors c'est une musique qui parle de cœur, de distance et bien sûr de souvenirs. Et là on sera déjà en 74. Ça vous rajeunit pas tout ça? Bah, j'étais pas né moi déjà. Le poisson. Allez, c'est moi parti. Je me souviens plus. Les Muppet Show, oui, ils étaient nés. Mais... Ouais, heureusement, oui. Söyleyin memleket. C'était un petit voyage en Turquie avec Özdemir, Erdogan en 74. C'est pas mal. C'était pas mal. C'est pas mal. Mais c'est la découverte, c'est, hein, c'est le concept de l'émission. Hein. De tout à fait, tout à fait. C'est ça. Allez, qui est top. Comment ? C'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Alors, on va passer du côté des dédicaces. Alors, j'en ai... Ouais, celle-là, ça... Oh là là, accrochez-vous. On pourrait même faire une section, les grosses dédicaces. Là, on pourrait... Parce qu'il y en a une bonne. Donc je vais la partager avec toute l'équipe. Oui, il n'y a pas de raison. Tout le monde va en prendre. Salut Malvin, il me semble que ton nom de scène a été influencé par le film Alvin et les Chipmunks. Et comme tu as les oreilles bouchées, voilà l'erreur qui t'a fait intégrer l'équipe. Mais pas grave, le boss te trouvera une tribu de Chipmunks lors de ses pérégrinations à travers l'immensité de la toundra champenoise. Néanmoins, je t'embrasse sincèrement. Mais moi aussi. Ah, Betty Lex. Contraction de Bettina et d'Alex, plus connue sous le nom de... Bérettina. Reine des baratins, peuple des plaines crayeuses, qui a pour particularité de tous parler en même temps et de créer un brouhaha tel un troupeau d'otaries sur une plage d'Afrique du Sud. Ah, il a bien cerné le personnage. Il est fort. Il t'embrasse très fort. 20-20. Ah bah tiens. Allez, à toi. Tout un programme. Le sourire gravé sur son visage, tel joyeux dans Blanche-Fesse et les Sept Mains. Les Sept Mains. 20-20 possède un secret qu'il pensait dissimuler. Alors là, il y a plus de 80 000 auditeurs qui vont le découvrir. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est sans compter sur ma sagacité. Accrochez-vous. Attention. En effet, 20-20 pilote un gros camion pour livrer ses dames à domicile. Et avec son gros tuyau qu'il tient de main, il leur livre son énergie pour alimenter les chaudières de ses dames. Ah ben c'est pas de bol, parce que maintenant je suis plus là-dedans depuis un an. Faut se mettre à jour, Wilfried. Il est dans le gazon. Ouais, je suis dans le gazon maintenant, alors, oui, dans le verre. Dans tous les cas, ça permet de réchauffer ses dames. Ah bah oui, tout à fait, avec un gros tuyau. C'est toujours la même idée, hein, quand tu regardes bien. Il t'embrasse très fort. Bisous, bisous. Là, c'est pour ma pomme. Fallait bien que ça tombe aussi, hein. Ouais. Oui. Salut à toi, au nain du Haut-Rhin, appelé boss. Loïc ou président, sache que si tu es souvent sûr, fais attention à ce que cela ne soit douloureux. Et moi, donc en parlant de Wilfried, tel le Gatsby, le magnifique, un roc, un granit, un grès, rose et tendre, à celui qui veut mignon. Le sculpter. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. D'une dureté pour l'éternité, pour bâtir la plus haute des cathédrales d'Europe. Et du haut de mes 142 mètres, je vous salue. Salut voilà. Wilfried. Salut Wilfried. Tout ça pour dire bonjour. Hein. C'est du Wilfried. On n'aurait pas mis le nom, on l'aurait reconnu. C'est pas faux. Voilà, voilà. Bien trouvé. La suite des dédicaces. La suite des dédicaces sera un peu moins... Lyrique. Oui, verbal, hein, parce qu'il a, il a moins de plumes, on va dire. À la fin. Oui. Allez, on a un petit coucou de Saint-Pierre-et-Miquelon, et plus précisément de Miquelon-Langlade. Ils nous font donc un petit coucou, toujours fidèle. Et donc c'est Gina Skinner, je ne sais pas si vous... Ah bah si, on l'a toujours. Si, on la reconnaît bien. Voilà. Elle est toujours avec nous. Salut. Exactement. Gina. Et elle fait un coucou à Étienne Etcheverry qui passe quelques jours à Terre-Neuve. Et merci aussi pour les autocollants. Ça nous a fait très plaisir. Ah, oui. Oui. Voilà, on leur a fait parvenir des autocollants oui. de la radio. J'en mets partout là-bas. Mais c'est compliqué là-bas d'envoyer un courrier. Ah ben. J'aurais dû y aller moi-même à la nage, traverser l'Atlantique. C'était compliqué. Ensuite, on a Léo, 51. Petit bonjour d'Esterné et repas en famille avec vous. Mon papa chantonne. Oh, c'est ah, cool. J'en fais chantonner c'est papounet. Cool. Eh ben, salut. Oui. Salut à tous. Et salut à toute la famille. Et à toute la famille. Voilà. Salut à toi. Là, nous allons passer à Alouk Levent. Est-ce que Malvin... À qui? Alouk Levent. À tes souhaits. Avec la chanson Achilara Tutunmak. Pas ça facile, hein. C'est ça pas me facile. Ça dit rien du tout. Hein. Ça te dit rien. Mais c'est encore un artiste turc. Alouk Levent qui mêle rock moderne et influence anatolienne. Achilara Tutunmak, donc qui veut dire s'accrocher à la douleur. Oh, tu le dis bien, patron. Ouais, ouais, oh, il le dit bien. Il y a de la préparation derrière. Oh, il le dit bien. Ça se prépare, une émission. Je vous apprendrai quelque chose. Une semaine qu'il a mis pour dire au tutulak. Bah, c'était compliqué, ouais. Non, mais tu le dis bien. Traite de la force intérieure et de la capacité de l'être humain à tenir face aux épreuves de la vie. Un message fort porté par une interprétation puissante. Et c'est une musique qui inspire. Et il l'a préparé. La résilience. Non mais il en faut de la résilience aujourd'hui, hein, parce qu'on n'est pas, aidé. Hein. Allez, j'en ai marre de vous entendre. Ouais. On passe. Nous aussi on t'aime. Tu nous verras. C'est poli, t'as vu la façon qu'il a dit. D'habitude c'est... Ouais. Çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste tanar ya. O dolaşmış dağdan dala, savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğini, baş kaldıran dizelere. Yitirmekmiş düşsel bir oyuncağı Yanlış hepsi yan Yanlış hepsi yan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yok Çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta, deprem kargaşasında. Yaşadım birkaç bin yıl, acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa. 1991. C'est pas tout récent tout ça, hein, mais c'est une belle petite. C'est particulier, ça change un petit peu de l'ordinaire. C'est vivant. C'est vivant, exactement. Tu vois, quand tu veux, 20-20, tu peux être poète. Quand il y a qu'à demander. Hein. Comme le klaxon. Il est là, il est parmi nous. Oui, comme disait comme le chat. Mmh. Voilà. Bon, blague à part. Oh, c'était nul. Alors, nous avons une chanson encore, une belle chanson à vous faire découvrir. Alex, Super Combo. Super Combo, mais moi je ne sais pas prononcer ça, toi qui as bien travaillé. On dit comment? Moin Domi Devo? Moin Domi Devo. Moin Domi Devo. Ouais. Eh bien, c'est un morceau vibrant d'un groupe qui s'appelle Super Combo et qui va éclater de rythme afro-caribéen. Évidemment, ça invite à la danse, à la fête. Et ce Moin Domi Devo célèbre les rencontres musicales, les rythmes cuivrés et l'esprit collectif qui caractérise une très longue tradition festive dans plusieurs cultures africaines et caribéennes. Donc on vous propose rien de moins que de vous laisser emporter par cette explosion de sons et d'ondes positives. J'avoue que cette chanson a été assez compliquée à trouver parce que... Mais tu la voulais. Je la voulais parce qu'elle est, voilà, c'est assez dynamique. Et puis il faut dire que à l'époque, dans les Caraïbes, il y avait aussi d'excellentes chansons qui ne traversaient certes pas les départements, parce que bon, c'était, il y avait à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Mais disons que ça a bien traversé quand même au fur et à mesure des années. On a quand même réussi à retrouver ces super titres. Mais voilà, la qualité était toujours un peu compliquée. Eh ben on va découvrir ça tous ensemble. On va découvrir ça tout de suite. Et après, on repartira avec une belle chanson que je vous ferai découvrir. Et après, on partira dans les dédicaces. Ouais. Et on refera un voyage. Donc, tous à vos dédicaces. Hein. On en veut, on en veut, on en veut. J'en ai. Il y en a pas mal, je trouve, aujourd'hui. Hein. Ah, c'est bien. Voilà, il y a du monde. Allez, 15h passées de 26 minutes. Vous êtes toujours sur Antenne Dimanche dans l'épisode Musique du Monde numéro 3. Moins payant bon voyage en avion. Moins vrai cinéma, moins manger, moins bien vrai, moins dormi, moins levé. Avant c'était français, moins t'es qu'à parler. Mais les moins arrivé à Paris. Moins dormi dehors, moins dormi en dalo. Moins dormi dehors, moins dormi en tout à métro. Non vient pilover. Ouais, vini si vraie misère. Ouais, t'es à consommer les vrais sa faute de fric qui mettait moins dehors. Ça qui plie belle encore. Moi j'ai fait cloche. Million situation folklorique. Moins dormi dehors, moins dormi en dalo. Moins dormi dehors. maison belle, casse-faire de lit. Vous êtes sur Antenne 87, votre radio locale. Chaque jour, infos, documentaires et les grands classiques de la musique des années 50 à 95. Antenne 87, la proximité, la culture et le son qui vous accompagne. C'est vraiment un morceau qui a fait voyager là, hein. C'était sympa. Absolument, hein. Totalement exotique. Ouais, là ça donnait vraiment envie. Alors, je vous propose de refaire un autre petit voyage, mais en redescend. Enfin, on remonte plus précisément dans les montagnes de Kabylie, avec une chanson qui, pour certains, hein, qui adorent un autre groupe anglais, avec une belle reprise. Alors, cette énergie festive, on retrouve Idir dans un moment suspendu. Cette chanson relie la balade folk anglaise, Scarborough Fair, à la tradition kabyle Tarjit, qui veut dire rêver, faisons un rêve. Deux patrimoines dialoguent naturellement, la douceur folk et la mémoire berbère, illustrant parfaitement l'esprit de la musique du monde. La rencontre, le partage et l'universalité des émotions. Une passerelle musicale entre cultures portée par la voix intemporelle d'Idir. Alors je vous propose de découvrir sa chanson et vous allez voir, pour ceux qui connaissent Simon et Garfunkel, vous allez comprendre pourquoi. Ah. Interprétation Didier, Targit Scarborough Fair. C'était très réussi. Hein, c'est joli. Oui, oui. Hein. On retrouve la patte de l'original et puis là-dessus, tout l'exotisme didien. Tout à fait, tout à fait. Et je vous propose alors de découvrir, donc on va faire un petit tour en Angleterre. Oui, merci. Avec les Simon & Garfunkel, avec la version originale. Our sweet, sweet Rosemary. Musical. Merci patron pour cet enchaînement, c'était génial. C'est un métier, l'animation. J'apprends. On compte plus les J'apprends en te regardant, tu sais. Voilà. Il y a encore une dame qui a passé. C'est une petite. C'est un petit clin d'œil. Voilà, au déserteur. Donc avec Simon & Garfunkel qui a fait l'unanimité auprès des auditeurs jeudi. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Parlons pneus. Voilà, ça tombe mal. Tu es en roue libre, pourtant, on va passer du côté de Cognac G. Eh bien, William nous dit, il y a de belles chansons, j'adore, et il parle justement d'Idir qu'il connaît, et je l'entendais souvent à la télé. Ah, nous dit-il. Olivier Guignon, beau dimanche, de belle musique, vu que c'est musique du monde, auriez-vous une belle musique d'Afrique? J'adore leur mélodie, ça donne envie de danser toute la journée. Bah, j'espère qu'il n'a pas raté l'intro. Non, mais allez Olivier, il suffit de patienter un petit peu, ça va arriver, allez, une petite demi-heure, même pas, je pense. Ouais. Reste avec nous Olivier. Ouais. Bérénice, génial ces musiques, j'adore. Henri, coucou d'Alsace les amis, le son super. Ah Henri, notre ingénieur électronicien. Tony, il y a des musiques qui se rapprochent de mes origines, les Antilles, la Martinique plus précisément. Et coucou à Loïc, tu dois voir qui je suis, Tony. Tu vois qui c'est Tony? Je réfléchis. Tony. Tony, Martinique. Tony, Antilles. Martinique, Antilles. Oui, Tony Albert à Mailly. Oui. Oh, bah donne pas le nom comme ça. Non. Il est très connu, t'inquiète pas. Très connu. Et puis on finit avec Daniel. Merci pour cette belle émission. Bon dimanche à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Il y en a une paire, des dédicaces. Et encore J'ai l'impression qu'on est écouté. Et encore, je viens d'en recevoir une nouvelle. Ouais, voilà. Alex, quand elle découvre l'audimat, ah bon, tout ça ouais. Non, non. On a payé quelqu'un, tiens, pour cliquer. Ah oui, donc tu oui, la petite dernière. Il y en a qui le font, hein, je crois. Petite dernière, de quoi? Payer pour cliquer. Payer pour cliquer. Ah, oh, ça marche pas. Petite dernière dédicace de Franck, toujours aussi sympa l'émission et l'ambiance, j'adore, je rigole. Bien, bon dimanche à vous. Hey, merci. Ben, tant mieux si on rigole, parce que nous, on rigole pas toujours pour ici. Pour vos dédicaces. Merci bien. Il suffit tout simplement, si vous voulez nous envoyer un petit message, d'aller sur le site internet antenne87.fr et vous allez dans la rubrique tout simplement dédicace. Et vous laissez voilà. La petite bafouille. Exact. Alex, tu vas nous faire voyager. Est-ce que tu voudrais partir en Haïti, c'est bien ça? Oui. Eh bien, direction Haïti, avec Perfecta, qui va nous proposer la divinité. C'est une belle plongée dans l'univers musical caribéen, encore une fois, où les rythmes et les voix se mêlent pour exprimer la vie, la spiritualité et une certaine forme de puissance collective. C'est une étape festive sur notre parcours, avec toutes ces couleurs caribéennes. Ah, c'est si joliment dit. Eh ben, nous allons voyager tout de suite. Allez, on se retrouve après. Perfecta, la divinité. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. C'est le bagage qui a fait moins plaisir, c'est les moyens en banque. été Antenne 87, votre radio locale. Et voilà, encore une superbe chanson qu'on a eu le plaisir de vous faire découvrir. C'est Tony qui a dû être content parce que Martinique, Haïti, on n'est pas loin. Ouais. Hein, c'est agréable. Ouais. C'est Les Caraïbes. Ça marche bien. Hein. Effectivement. Là, je vous propose de repartir en Italie. Ah, on va être contente. Bon, on arrive dans la botte. Mmh. On est même dans la pointe de la botte avec cette chanteuse. C'est une chaussure. C'est une chaussure, voilà. Loredana Bertè. C'est une pointure. qui est effectivement originaire de Calabre. Donc, la Calabre, hein, c'est la pointe. Bien. C'est le sud du sud. C'est le bout ou c'est le talon? La pointe. Le bout, quoi? Le bout. Mais qu'est-ce que tu comprends? Ah ouais, sinon j'aurais dit talon, si tu veux, mon chéri. Ah. Qu'est-ce que tu prends pas dans la pointe? Excusez. En tout cas, Loredana, pour ceux qui cherchent un peu, qui sait, c'est cette chanteuse aux cheveux bleus, mm-hmm. assez caractéristique. Et alors, est-ce que vous savez avec qui elle a été mariée quelques années, cette dame? Eh ben, figurez-vous. C'est ça le scoop. C'est ça le scoop. C'est ça le scoop. Ouais, en cherchant un on peu. On le connaît? Les plus vieux d'entre nous le connaissent. Ah, 20-20. Non, mais si tu sais pas, tu peux pas trouver. Un ténor? Non, c'est pas un ténor. C'était un ténor du tennis. Ah, Borg, non? Ouais, elle a été mariée. Bien, bravo, 20-20. Elle a été mariée quelques années. On peut pas trouver qu'elle dit, tu sais. Mais non, mais il fallait que je te dise tennis. Sinon, un petit peu, oui. Hein, je t'ai demandé ténor déjà. J'allais faire le tour, mais on en a pour une heure. Voilà. Mais c'est bien, 20-20. T'as gagné la tringle à rideau, Antenne 87. Ouais. Et la pompe à vélo. Voilà. Ouais, c'est sympa. Et bien, donc, elle va nous chanter un peu de tout en italien. C'est Un po' di tutto. Et c'est une pièce pop qui explore les multiples facettes de la vie, des émotions et des expériences individuelles. Bref, c'est une chanson qui raconte l'âme humaine dans toute sa complexité. C'est si joliment narré. Ouais, hein. Bien, Alex. Alors, on va repartir un petit coup avec Loredana Bertè. À tout de suite. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Et oui, avec Laurie Dana Berthet, on est en 82. Ah, moi, je trouve que c'est du pop qui tire un peu vers le rock, hein, quand même. C'est pop rock des années 80. Ouais, ouais. C'était très rock. Moi. C'est super. Moi, j'adore. On va continuer avec de la pop italienne. La vraie pop, là, cette fois-ci. Là, c'est une grande voix de la pop italienne que l'on va écouter tout de suite. C'est Anna Oxa avec Donna Conte. Alors, donc, comme je le disais, Anna Oxa, une grande voix de la pop italienne, nous offre une balade émotive. Donna Conte explore l'amour et la présence et rappelle combien la musique peut être à la fois intime et universelle. Voilà, donc ça va être un moment de douceur à la méditerranéenne, s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous accompagne où que vous soyez. Retrouvez nos programmes, nos sélections musicales et toute votre ambiance sonore préférée dans une seule appli. C'est simple, allez dans Google Play et téléchargez l'application Antenne 87. Emportez votre radio partout avec vous. C'est comme ça qu'on est écouté au Canada. Elle l'a dit, la dame. Voilà. Au Canada, dans les dom-toms, en Allemagne, un peu partout. Saint-Pierre-et-Miquelon. Un truc de fou. Coucou Saint-Pierre-et-Miquelon. On arrive. C'est quand qu'on vient. Moi, j'aimerais bien aller visiter Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, alors, ça m'intrigue très très fort. Tu regarderas sur la boîte messagerie de la page Facebook de la radio. Il y a une dame qui nous a transmis ses coordonnées avec des chambres d'hôtes. On a déjà les chambres d'hôtes. Alors, c'est pas tant les chambres d'hôtes qui me font peur pour le tarif. C'est moi, c'est plus le billet d'avion. Parce que quand tu vois qu'il faut passer par Montréal, après aller à Terre-Neuve, de Terre-Neuve, tu vas. Enfin, c'est tout un merdier. Non, mais un jour, on fera ça, patron. Ouais, mais... on ira faire un live à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mm-hmm. Ça serait cool. Tu penses que la radio a le budget Bien sûr que oui. On est blindé, on est plein aux os. On n'est pas à l'abri d'un immense succès. Par contre, tire à la nage, comme ça nous fera un mois de tranquillité. Ça t'apprendra encore une lame qui vient de passer. Allez, j'ai dit, il y en a 6 dans une. Ah, tête. J'ai le dos large. Allez-y, les gars, ça vous fait plaisir. Mais oui. Ah, moi, j'ai toutes les femmes avec moi, toutes les femmes qui nous écoutent. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Voilà, tu représentes l'agent féminine. Je veux du soutien. C'est ça. On ne se rend pas compte à quel point nous sommes. Quel numéro ? Cloué au pilori. Elles peuvent toujours écrire, faut pas qu'elles oublient une chose, c'est moi qui lis. Ah mince. Ça y est, on est cuites. Non, mais ça risque d'être. Je filtre. Ça risque d'être assez compliqué. Alors là, on est retourné vraiment en arrière, messieurs. Ça ne vous honore pas du tout. Tout de suite. Nous aussi, on t'aime. Elle n'est jamais contente, Alex. C'est dingue, hein. Elle est toujours en train de se. Ou alors si, mais ça dure pas longtemps. Ah ouais, oui. Ah oui, tu m'as vraiment déjà vu contente, toi. Tu peux, quelques secondes. Quand elle se brûle le doigt. Tiens, Alex, c'est pour toi. T'as toujours Perrault que donne les ordres. Et en plus, ils sont idiots la plupart du temps. Où est-ce que je vais trouver un galion, moi? Si ça se trouve pas sous les parterres de violettes, les galions. Peut-être qu'un pédalo, ça fera la fin. Ou une simple barque. Ou même un tronc d'arbre. Calim Alex. C'est Calim Alex. Ah, voilà, Alex, c'était pour toi. Ah ben là, c'est sûr, je suis sans voix. Ah bah, ça, bah tant mieux. Vous m'avez fait rire. Ça, c'est seulement. Oh, vous m'avez fait rire. On pouvait nous entendre sur ce coup-là. Tiens, oh my God. Ça va pas durer longtemps. Hein. Ah ouais, non, c'est... Voilà ma chère Alex, une petite dédicace. Je t'en prie, patron. Pour toi. Donc moi, c'est Calim Alex, maintenant. Calim Alex Baratina. Et à chaque fois qu'on va l'entendre, à chaque fois qu'on va entendre Alex... Ah voilà, on va faire ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, on passe du côté des dédicaces. Ça ralentit un peu, je trouve. Mais vas-y, reprends un petit peu le rythme. On n'a plus beaucoup des dédicaces. Il y a Didier qui nous écrit en nous disant bravo. Je fais aussi un coucou à ma chérie Marilyn qui vous écoute tout le temps aussi. Et puis bon dimanche à nous, il nous souhaite. Voilà. Ils ont bien du bon goût, ces gens-là, de nous écouter. Et puis Bernadette qui est... Très chouette. Voilà, il y en a une qui suit au moins. Elle est très chouette. J'y pense aussi, mais bon, je dis. Qui nous remercie pour... qui nous dit donc merci pour votre... Écleptisme et de mettre à l'honneur toutes les nationalités. C'est un agréable à entendre. Tu le dis si bien. Oh, tu parles bien, Malvin. Ouais, j'en ai fait quand j'étais jeune de l'écleptisme. Par contre, essaye de reculer parce que tu nous défonces l'oreille quand tu causes. Ah bon? Ah ben, elle mange le micro et ça pète dans l'oreille. Bah écoute, je mange ce que je peux. Hein. Ça, alors là, oui, ça ne me regarde pas. Ah non. Fais attention, ne tente pas le chef, tu vas reprendre une lame. Ah ouais, c'est ça. Bon, je vais garder les. Ma petite dernière qui vient d'arriver à l'instant. Ça existe un petit peu. Petite dernière qui vient d'arriver à l'instant de Quentin et Marine. Petit coucou dominical. On adore vous écouter et on rigole bien. Super humour. C'est pas pour toi, Alex. Ah non. Bah non, moi j'ai pas d'humour. Moi je prends. Hein. Calme, Alex. Voilà, c'est tout pour le moment. Voilà. Tout à fait. Bien. Au revoir, Cognac G. Au plaisir. Je vous rends l'antenne. Allez, je vous propose de faire un détour par la Scandinavie. Ah, on va un peu se rafraîchir, c'est bien ça? Oui, avec cette chanson suédoise. Siv Malmqvist, Donc qui est une figure de la pop nordique qui chante la pluie, qui tombe sans cesse. C'est une métaphore parfaite pour ces jours d'hiver où la musique devient refuge. Alors vous y retrouverez à l'intérieur une touche nordique, mélancolique et tendre. Et j'ai nommé, alors pour ceux qui comprennent bien l'anglo-saxon, Regnet det bara Özerner. Alors, donc la pluie... Regnet, c'est la pluie, ouais. Regen. La pluie tombe sur moi. Non, c'est pas ça. La pluie tombe sur moi. Non, on n'est pas sur ça. Eh bien, Alex, de la pluie. T'en es pas loin. T'as presque gagné. Écoute bien, écoute. Voilà, grâce. Ah, trop bien. Bravo, Alex. Super. Et ça fait quand même deux fois aujourd'hui. Non, mais les gens ne vont pas croire. Ils vont croire qu'on l'a fait exprès alors que. Ah, magnifique. Allez, on va apprécier. On va apprécier. Voilà. C'est de danser sous la pluie. Oh, c'était très très sympa. Une très belle sympa. Découverte, ouais. Ouais. Vraiment. Et bravo, Alex. Oh ben voilà. Mais c'est parce que j'ai. Tu nous épateras toujours. Oui, j'espère. Et en plus, ça n'est pas fini. On croirait que c'est pas fait exprès, et pourtant. Vous n'avez pas tout. Et pourtant. Mais non, mais viens pas casser le truc, toi. Ça, c'était hier soir. C'est voilà. Bien. Ah bon. Voilà. Allez, on enchaîne. Sans Allez, Alex. Tu vas nous présenter la prochaine chanson. Alors là, je vais faire un énorme effort car je ne comprends rien du tout à ce qui est marqué. Et ça, même en français. Oui, même en français. Voilà, bien sûr. Donc là, on est sur toujours du scandinave, hein. Du suédois. Du suédois, même très précisément. Mais c'est léger, c'est plein d'humour. C'est un petit peu nous. Oui. Ah, d'accord. Oui, ils ont un petit peu du mal, hein, les copains. Non, mais là, on est tout oui, on te laissait. Je sais pas. En tout cas, c'est Sten Carlson Orsalta Mandar qui va nous chanter Örurut. Et ça, c'est un duo, Örurut. Donc, Sten Carlson et Salta, ce sont, c'est un duo qui va mettre en lumière le côté plus ludique de la musique du monde. C'est parfait pour détendre l'atmosphère entre deux émotions plus profondes. Mais c'est quand même un moment fun et léger dans ce voyage que nous vous proposons cet après-midi sur Antenne 87. Oui, ça va changer un petit peu. Allez, 16h12, vous êtes toujours sur Antenne Dimanche, sur Antenne 87. Il est convaincu quand il dit ça. Oh, c'est clair. Oh, ça fait plaisir, hein, franchement. Ça donne envie, c'est merveilleux. Il y a des moments, je En tout cas, tout le monde a bien retenu, hein. C'est Sten et Salta. Merci Alex. Merci de cette Merci précise. Alex. Non, faut être un petit peu précis dans la vie. Oui. On n'a pas dit le contraire. Jag har aldrig varit riktigt kär. Vill du stanna här? en sjukdom som mässlingen och röda hund. Klia några dagar, ge dig lite feber, men går över om en stund. Nu har jag fått sjukan, fick den här om dagen, men vill inte ha vaccin. Hellre har jag kvar den hela långa livet, oj oj oj vad hon är fin. Utan ord och melodi. Låten har en mening, men vad den betyder, det vet faktiskt bara vi. Jag har alltid sagt att livet det kan levas, bara om man får vara fri. Och så går jag själv och trillar rakt i fällan, bättre kan det inte bli. Hörru Rut, kom till mig. Bien reconnu, ben, on dit rien, mais en français, et en français, bien entendu, c'était ça. Et oui, Claude François, il danse, fait beau, on est bien, il on fait adore. Bon. Un copain du patron. Du soleil au fond des yeux, tant envie dans la vie. Oui. Tu sais faire la voix de Coco? Non. Tu ne veux pas? Je n'imite pas. Il sait déjà pas chanter. Coco non plus. Ah, tous les fans de Claude François sont contre toi maintenant. Tout à fait. Non, mais c'était du humour. Hein. Ouais, n'essaye pas de te rattraper. Là. Qu'est-ce qu'on dirait pas hein, pour faire un bon mot? Tu passes sur la brume des rayons de lune. Des en tout cas, il fait encore danser. Il fait oui. Beau. Il fait chaud. Ah non, c'est beau. C'est bon. Aucune fille. Voilà, on avait ça en France. C'était il fait beau. En 60. Il fait bon. 65, il me semble. Ah ouais, bah je t'ai pas dit. Reste tombé. Oh, t'étais pas né. Arrête de mentir. Ah non. Là, je n'étais pas né. Ah bon. T'étais pas né en 65. Comme les poissons. Hein oui. Bon, absolument. Frère, c'était nul. Tiens, au fait, petit aparté, j'ai une petite dédicace pour toi, spécialement pour toi. Oh. Tout mon soutien. Oh, c'est une Alex. Femme hein, qui m'écrit. Je sais pas, c'est S. Ouais. Oh, c'est gentil, merci S. Où que tu sois, qui que tu sois, je te remercie du fond du cœur. Qu'est-ce que j'ai pas dit, mais qu'est-ce on que on va arrêter les dédicaces. Ouais, ouais, on va couper cet onglet. C'est moi, c'est Kalim Alex. Ça va rester. Après, Baratina. Ouais, Alex. J'ai une petite préférence pour Kalim Alex. Malvin, nous oui. allons repartir dans ta jeunesse. Ah bon? Ah oui, avec un tube belge. Arceau. Bien. Arceau de sécurité. Sors la platine. Allez, on part avec le groupe, l'orchestre, plus précisément Bella Bella, avec La Vérité Blesse. Et ça, c'est vrai, pas toujours beau à dire la vérité. C'est terrible. Hein. Je souffre. Oui. Nous souffrons énormément. Nous entrons dans le riche univers de la rumba congolaise et de l'afropop d'Afrique centrale. Mais tout ça, c'est quand même belge. C'est belge. Ça, c'est beau. C'est un titre belge. Voilà, c'est okay. un orchestre belge. Okay. La vérité, comme je venais de le dire, peut faire mal, mais elle danse aussi. Et oui, là, elle va danser, vous allez voir. Et ici, chaque note nous rappelle la diversité musicale de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. Bah oui, le Congo belge. Exactement. Un très célèbre album de bande dessinée. Bah, on peut le dire, Tintin. On peut le dire, Tintin au Congo. Tintin au Congo. Numéro 2, d'ailleurs. C'est le numéro 2 de toute la collection. Ah, nous avons un spécialiste, pardon. J'adorerais, on dirait, oui. T'as tort Allez, c'est une musique qui mêle vérité, rythme et émotion. C'est parti pour la vérité blesse. Mwayete po yokelanga na kosala nyonso ekoki po komana numa yele moke. La vérité blesse na yebi okokoma misa kasi oluki boni okomie komona ngaye pamba na miso na yo. Oko mi kola kisa mobulu na yodi, oko banga lisusu te. Na yemi ya solo lingi, oh sala nyoso ozua raison. La vérité blesse na yemi oko koma misa, kasi oluki. En tout cas, la vérité blesse, n'est-ce pas bébé? Solo lingi po sala nyoso ozua raison. La vérité blesse na yebi okokoma misa kasi oluki. Oma chika oma. sato wa ta ti o ti kinzo tu na masengiña ne o kobe ba pamba masu munde tondi mboka chuchu ke bana wala ya yi mboko yo mboko yo ne ta pale ne o kobe ba pamba Masumu, Masumu. Et voilà, c'était Bella Bella avec La Vérité Blesse. Un beau tube. Mmh, oui, c'était agréable, c'est chouette. Ça donne envie, voilà. C'était une petite, petite dédicace, voilà, à l'ancienne époque. On était déjà en 71. C'est pas tout jeune. Non, c'est vieux. Ah, c'est... Oui, c'est... C'est Vavin qui hoche la tête. Ah, c'est vieux, eh, dis donc. Oh là là. On peut dire. Vavin. Allez, on fait un petit tour du côté de Cognac G. Voilà, si j'appuie pas sur le bouton. C'était quoi ce péfoireux que tu viens de me faire? Tu peux me renvoyer, s'il te plaît, mon lancement? Non, on l'a refait. Allez, l'a refait. S'il te plaît. Et c'est tout de suite, voici le moment dédicace. C'est quand non, même un reconnaît. Peu mieux, hein, c'est là, quand même un peu mieux. Merci là, beaucoup. Ouais, ouais, tout y a de suite, là je me sens mieux. Ça fait pas fuite. Bien, je te. Ouais, d'accord. Je... Je oui, bon, on y va quoi. Plus. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Voilà. Allez, on va faire comme avec Alex quand elle parle trop. Allez, deuxième. Je sais pas ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Bon, moi, j'ai mal au crâne. Ça me. Voilà, bon, voilà. Ça y est, la page de puce est passée. Bon, alors accélère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc. Je peux vous raconter une histoire? Non, non, surtout pas. Surtout pas. Non. Alors, les dédicaces, on a Dédé qui nous fait un petit coucou de ce moine. Et oui, salut Dédé. Il nous précise qu'il y a de bonnes musiques et que c'est sympa. Merci beaucoup. Voilà. Merci Dédé. Et c'est tout. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, s'il vous plaît, envoyez des dédicaces, sinon je vais être au chômage. Sauvez-moi. Oui, je vais te virer. Sauvez Kalim Alex. Allez sur le site internet antenne87.fr dans dédicace et vous m'écrivez, s'il vous plaît. Ah oui, il est malheureux. Petite bafouille. Et le rouge, il est malheureux. Je vais agrémenter ce que tu viens de dire. Retrouvez toutes nos infos sur notre page Facebook, site internet et Twitter. Voilà. Avec le petit chef. Ça se va comme ça? Magnifique, il y en a trop même. Il y a comme un courant d'air. Effectivement, bien. Merci pour ces belles dédicaces, assez nombreuses. Bah, 7 belles dédicaces, il n'y en a qu'une. Pour ces, bah, toutes les dédicaces depuis le début de l'antenne. T'as vraiment envie d'être viré, toi? Hein, écrivez-moi, s'il vous plaît. Tu veux prendre des vacances? Voilà, Malvine n'a pas d'amis. Alors,